Je connais une femme qui fait danser les mots du fond de sa campagne, écoute mon piano. Et dans son cœur de femme, il y a comme un berceau qui accueille mon âme et flatte mon ego. Et je fréquente un ange qui vit de poésie, un savoureux mélange qui donne goût à la vie. Et sur son corps de femme, il y a toujours un manteau qui protège des flammes, des regards idiots. Et pourtant la vie nous a promis un peu de calme. Quand tu as souri, sauvé ma vie, merci madame. Je connais une femme qui couche avec les mots sur un drap de papier, caresse son stylo. Et quand son corps de femme accouche d'un poème, délivrance et pleurée, grossesse de phonème. Et j'accompagne un ange qui fait chanter les mots de rigoureux échanges aux refrains musicaux. Serrer son cœur de femme, à craindre l'émotion, inondé par les larmes à la moindre occasion. Et pourtant la vie nous a promis un peu de calme. Quand tu m'as souri, sauvé la vie, merci madame. Je connais une femme qui trouve toujours les mots pour dire les vérités, même si ça dérange. Sa plume comme la lame, aiguisée d'un couteau, dissèque nos idées, mais jamais ne se venge. Car souvent cette femme, à force d'altruisme, face aux actualités, perd son idéalisme, s'écorche à tous les drames, en ne pouvant pas taire les inégalités présentes sur cette terre. Et pourtant la vie nous a promis un peu de calme. Quand tu m'as souri, sauvé la vie, merci madame. Et cette grande dame, maîtresse de nos écoles, avec son cœur de mère, enseigne la vraie vie à nos petites âmes. Que faire du protocole, rancœur au goût amer, qu'on lui coupe l'envie. Si fière d'être ton amie, madame la poète, si souvent tu as mis le trouble dans ma tête, alors buvons à la fontaine de tes mots, chantons a cappella ce qu'il y a de plus beau. Car cette fois la vie nous a permis, je le proclame, de devenir amis, amis pour la vie. Merci madame.